fantôme qui le regardait, une vision dans la nuit. Seule la mort pouvait les a séparer. Elle a broyé le bonheur sous l'ouragan, broyé par la haine sous l'ouragan. Une silhouette sous la pluie, des larmes coulaient sur ce doux visage. Un désir fou de courir sous l'ouragan, broyé par la haine, sous l'ouragan, ficelé par l'angoisse. Encore ce même rêve au milieu des ténèbres. Celle qui l'attendait juste pour un rêve n'est devenue qu'un fantôme. Pourquoi donc pleurer, puisque dans son cœur il y a toujours le même air sous l'ouragan. Encore ce même amour, toujours cette chanson, encore ce même.